idéal pour vos lancements, vos parties, vos soirées thématiques et de financement. L'après-course, c'est aussi un DJ, une table de billard, de la nourriture bistrot et des prix compétitifs. Alors venez nous rencontrer tous les jours à l'après-course au JM100. Et qu'est-ce qui se passe présentement sur Montréal? J'ai l'impression qu'il neige à l'heure Israël. Je pense qu'il neige. Oui, Bruno ici qui est en studio, il neige. Hein? Alors oui, bien sûr, il neige. On va rejoindre Gilles qui va nous parler de la situation des cols bleus. Alors ici Gilles, je suis en plein centre-ville de Montréal. Où il y a de la neige. Et il y a les cols bleus qui s'efforcent très fort de déblayer la neige. Alors de retour en studio. Et oui, ici, du studio, on peut voir la neige. On peut voir la matière blanche la qui recouvre un peu tout partout. Ouais. Ce qui est signe de neige, car on se souvient que la neige est une matière blanche neigeuse. D'où le nom neige qui s'applique à tout ce qui est blanc et neigeux. Alors est-ce qu'on fait attention sur les routes, Tommy? Il faut faire attention car la neige rend la situation d'autant plus glissante. Ainsi va la neige. La neige étant cette substance tirée de l'eau, un petit peu plus poudreuse, ce qui d'ici est signe que vous devriez rester chez vous et éviter la neige. Alors, en manchette ce soir, on parle de la neige. On va parler de la neige. On va aussi parler, bien sûr, de... Attends un petit peu, on va faire la toon-tem, ça va prendre ça. Puis on parlera pas de rien d'autre que de la neige. Non, parce que c'est ça qui arrive aujourd'hui à Montréal. Et voilà, merci. Des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Ça, c'est la trame sonore du show d'aujourd'hui. On va être sur Prince of Persia de Sands of Time. Ça, ici, c'est le main title. Dans lequel il y a du sable qu'on pourrait comparer à une sorte de neige sec. Semi, oui, voilà. Ouais. C'est de la neige non humide. Ouais. Car on sait qu'au fusqueur de chaque flocon de neige se tient un petit grain de poussière. Ouais. Ce qui est l'argument principal. Sinon, moi, je vais parler de Expect No Mercy, qui est un film avec Billy Blanks de 1996 avec de l'infographie. Ça va être assez génial comme balade. Je vais aussi, excuse-moi Israël, j'ai une espèce de coming out là, sur Mortal Kombat parce que en pré-appetizer ce soir au Rocket, on va avoir bien sûr Mortal Kombat The Adventure Begins. Non, c'est correct. Moi, je vais parler de qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine, mais ça reste encore une surprise pour tout de suite. Et voilà. Donc, comme invité spécial la semaine prochaine, on va parler de ça. Sinon, ben, je pense qu'on va tout de suite aller commencer avec une toune de Hawkwind. Je vais faire un petit peu le lien avec ça. Hawkwind, j'ai appris que c'était un groupe de rock progressif qui vient de l'Angleterre. Genre, dans la foulée de Genesis, là, ils donnaient plus d'importance au spectacle qu'à chaque membre du groupe. Et puis, ben, c'est ça. On va aller écouter une toune qui s'appelle Magnus, parce qu'elle est bonne, puis ça parle de comme d'un magicien qui s'appelle Magnus. Est-ce qu'il faisait de la neige, le magicien? Le magicien avait sûrement le pouvoir de convoquer de la neige. Excellent. Extrêmement froide. Donc, sur Montréal, il neige. Grâce à 70%, vous êtes au fait des dernières aventures. On écoute Magnus, puis on vous revient pour des vraies aventures, des vraies, des peurs. We'll be right back. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous avez l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Hein, c'est comme si Stéphane Bureau savait que t'étais pour venir nous lire des nouvelles encore, Bruno. Hein? Sapristi. Hey, ça, c'est tiré, bien sûr, d'une émission qu'on a faite l'été passé, qui est encore disponible dans les archives avec Stéphane Bureau pendant une heure avec nous. Ça a été assez spécial. On lui a fait faire face à RoboFlick 2 avec l'excellent Jared. Pour l'instant, le film qui nous intéresse, c'est Expect No Mercy, version française, sans pitié, ni pardon. Aucune pitié, aucun pardon. C'est bien sûr Billy Blanks qui reprend le rôle, mais qui est le héros de cette affaire. Je vais parler plus tard de ceux qui ont participé à l'immondice, parce que j'ai comme une espèce de petite... vous allez voir, ça va être bien cocasse, mais pour l'instant, non, ce n'est pas le film le plus douteux que je vous ai amené. C'est cependant le film avec l'acteur principal le plus douteux que l'on connaît. En effet, Big Bill, Billy Blanks, dyslexique, né en Pennsylvanie, est, avec Alexander Liu, ça c'est comme l'acteur de base de Godfrey, le mieux coté des acteurs vaseux. Ayant participé à 25 films, tenu un rôle important dans 7, Billy Blanks se retrouve avec une moyenne de moins 5,5 en tout et pour tout, pour les rôles importants là, qu'on lui connaît. Partageant ici la vedette avec son acolyte de toujours, Jalal Mehri, le Steven Seagal de Beyrouth. Ça, Big Bill et Steven Seagal de Beyrouth, ce sont leurs nicknames officiels, leur surnom officiel. Et ainsi que Wolf Larsen, qui est un ancien Chip and Dale, puis un ancien poseur de calendrier, qui va jouer le rôle du méchant. Donc, Big Bill nous réserve une aventure sans fondement dans l'univers mystérieux des Warbeck Industries. En gros, pour faire un résumé aisément devinable, c'est que Warbeck, Monsieur Février 92, possède une académie d'arts martiaux. Là, il entraîne une bande de Gilles grâce à une technologie virtuelle surpuissante dont la provenance ne nous est jamais expliquée. Bien évidemment, le tout cache les noirs desseins du méchant Warbeck. Dominer le monde grâce à des assassinats mafieux organisés à l'ombre de son immense entreprise d'entraînement. Il me semble que c'est comme... déjà vu. C'est laid, ouais, c'est ça. En tout cas, que pourra faire le monde libre contre Warbeck qui possède, selon ses propres dires, presque autant de puissance que le gouvernement? Comment le bien pourra-t-il survivre et s'épanouir dans un monde où Damien, joué par Anthony DeLongis, Akea, Paris Morgan dans RoboFlick 2 ou Blade dans le film de He-Man avec Dolph Lundgren, se joint à Spider, dompteur féroce d'Iguane, joué par Michael Blanks, le frère de Lord Blanks? Eh bien, tout ce monde-là va tenter d'assassiner tous ceux qui ne font pas l'affaire de Warbeck, grand pontife du mauvais monologue. Comment faire sinon pour rester silencieux devant les hosties de magazines féminins mauvais qui pleuvent sans arrêt et inondent notre environnement de prétexte à la surconsommation ou pire, comment stopper ces armées entraînées à grands coups de séquences virtuelles affreuses des mi-90s. En fait, seuls Big Bill et Steven Seagal de Beyrouth peuvent nous sauver. Oh, et si vous voulez vous désennuyer, essayez de compter le nombre de fois que Warbeck, chef des méchants, met de la nourriture dans sa bouche. Quel rôle de composition! C'est de toute beauté un grand acteur. On va aller écouter ici les premières séquences du film en question. C'est-à-dire quand Billy Blanks, héros de son état, va entraîner les jeunes recrues de la police de Macha McCallit, là, eux autres, là, en tout cas, go! Attendez, je vous montre. Restez là. Il lève son arme. Bang! Un pas de côté! On le couche à terre, on le désarme, bang, bang, il est mort. C'est simple. Ça donnerait quoi s'il y avait des balles dans ce joujou? Il y en a. Couchez-vous! Il fait des entraînements avec des vraies balles. Ah! Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que ça fait juste qu'est-ce bien fainé. Qu'est-ce que c'est que cette arme-là? Joujou maison. Quasiment aucun recul, vous aurez constaté. Carcul? Et lui, quelle Carcul? Concentration? Aucun recul. Il est particulièrement doué. Le meilleur. Continuez. Merci pour la démonstration. Merci. Justin. Comment allez-vous? Bien. Monsieur. Ah, si on se mettait à l'ombre, là, j'ai pas pris mes verres fumés. Entraînez-vous, ça va venir tout seul. À toi. Vous avez lu le dossier que je vous ai envoyé? Comme un roman. C'est qui ce Warbeck, au juste? Le prince des ténèbres? Mais non, c'est Ozzy. C'est Monsieur Calendrier. Nous voulons que vous contactiez cet homme. Il s'appelle Eric. Joué par Jalal Mehri. Il me dit quelque chose. C'est votre contact à l'intérieur. Il se fait passer pour un instructeur. Vous savez ce qu'il a découvert? Non, Jordan était son unique lien avec nous. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il reste tranquille, en attendant qu'on lui envoie quelqu'un. L'Académie d'arts martiaux virtuels de Warbeck a accepté votre inscription. Ils ont passé votre dossier au peigne fin, je vous assure. Soyez quand même vigilants, on tient votre peau. Bonne chance. Et voilà, ils sont fins, ils tiennent à leur peau, à sa peau. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans le film. Là, on va être rendu à 16 minutes 10. On va la voir un petit peu avant, un petit peu après. Ouais, c'est ça, c'est que là, on va voir, on va apprendre à connaître Warbeck, qui est bien sûr le boss des méchants, dans une intervention extrêmement suractée. Par ici, messieurs, je vous prie. Ça sent le deal, hein? On la sent l'ambiance glauque de deal avec des mallettes là, ouvertes avec de l'argent dedans. Puis une autre avec de la drogue. Mais là, lui, assassin. Vous appréciez la ponctualité? Non, il ne vend pas de drogue, lui. Certainement, du moins, c'est ce que vous prétendez. Puis si tu as de la vraie argent, il y a juste comme trois vrais billets puis tout du papier entre les billets. Parce que vous en doutez, monsieur. On voit pas l'intérieur. Ce que monsieur Bromfield veut dire, c'est qu'il aimerait une espèce de preuve que vous n'êtes pas des rigolos. Ça, c'est le troisième rôle, le bodyguard du méchant qui parle. Personnel, cela vous plairait? Si c'est possible. J'ai ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'il lui fallait? Et voilà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné un stylo à son bodyguard à lui, qui a tué l'autre bodyguard qui voulait des preuves. Je avec un stylo? Avec un stylo, en lui lançant. Alors, est-ce que le marché est conclu? En lui lançant? Comme ça, ouais. En lui... De dessous. Pour les auditeurs qui n'auraient pas la télé, là, c'est pas très fort comme ça. Ce sera 3 millions. 3 millions? Mais on avait convenu d'un et demi. Ben oui. Vous ne comptez pas me le facturer, celui-là? Oh non, nos démonstrations sont toujours à titre gracieux. Cependant, mon équipe a effectué certaines recherches et il semblerait que vous ayez négligé de nous fournir tous les éléments. Il semblerait que tuer Goldberg vous rapporterait $1 milliard. Étant donné l'ampleur de ce bénéfice et l'énorme publicité que sa mort provoquera, okay, il me semble que 3 millions est un prix plus que raisonnable. Oh, t'as boire ça! Très bien. Vous aurez la somme dans 48 heures. Tatam! 24 heures. Et voilà, non, dans 24 heures. Pas dans 48. Tadam, j'ai pété. Oui, il a pété, là. Tudum. Fait que là, on va aller à 22,58 pendant que le niveau de la conversation reste optimal. On va ici aller savourer. C'est quoi qui se passe? Le 22,58, hein, c'est les méchants. Les méchants qui veulent, bien sûr, capturer... Ouais, ils ont été payés pour tuer un gars. Mais là, il faut qu'ils sachent où le gars parce qu'il est protégé par la police. OK. Ouais. J'ai peur que vous trompiez de bureau. Fait que là, ça envoie le juge. Où cachez-vous Goldberg? Qui a caché... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, la musique est... L'affaire va devoir prendre un tour sanglant et douloureux. Même les coups de maillet de juge sur ses doigts. Où est Goldberg? Je vous jure que j'en sais rien. Ouais, j'espérais bien que vous diriez ça. C'est cette bout-là que je l'ai mis, là. Écoutez bien. Quel coffre! Vous devez chanter à ravir. J'ai trouvé. Monsieur le conseiller, on vous retire l'affaire. On vous retire l'affaire. Et voilà, c'est la fin, bien sûr, de notre troisième rôle auquel on était tellement attaché. Bruno, des nouvelles? D'accord. La semaine dernière, le groupe comique canadien... Ah non, mais attends, excuse-moi, dis en manchette ce soir, c'est manchette. Fun, ça. OK, ben en manchette ce soir, on parle de jeux vidéo, on parle de barbe, puis on parle de d'autres affaires aussi. Cool. Je me sens mieux. On parlait de neige aussi. Ah oui. OK, alors le groupe comique canadien Loading Ready Run a tenu un marathon de jeux vidéo pour un organisme de charité, mais pas n'importe quel jeu vidéo. Dans les années 90, pendant toutes les controverses autour de la violence dans les jeux vidéo, Penn & Teller, deux comédiens, magiciens et démystifieurs américains, ont décidé de créer le jeu vidéo le plus ennuyant au monde, Desert Bus. Le but du jeu est de conduire un autobus de Tucson en Arizona à Las Vegas, Nevada, en temps réel, c'est-à-dire 8 heures de jeu continuel, car le jeu ne peut être mis sur pause. Il n'y a pas de paysage, pas d'autres voitures sur la route, et le bus, tu sais, vire un peu vers la droite, donc on ne peut pas simplement laisser la manette et aller faire autre chose. Arrivé à Las Vegas, vous méritez un point, j'ai bien dit un, et vous devez faire le voyage de retour vers Tucson pour un autre point ad nauseam. Les participants ont dû jouer le temps de la levée de fonds. Plus ils faisaient d'argent, plus ils devaient souffrir jouer. Souffrir jouer. C'est excellent. OK, on continue, on parle de barbe et de neige un peu. Donc, justement, il y a Tommy qui s'est fait raser la barbe aujourd'hui. Ben oui, toi. Donc, pour toi, est-ce qu'une barbe nous garde chaud l'hiver? On l'a souvent entendu, mais la théorie n'a jamais été vérifiée. Et jusqu'à maintenant. Ben oui, c'est Pete Hickey, un skieur amateur d'Ottawa, a décidé de se raser la barbe d'un seul côté afin d'effectuer un comparatif efficace de cette théorie. Non, c'est pas fou. Malgré les quelques inconvénients que cela pose, plus de poids d'un côté de la face, la résistance au vent qui l'obligeait à forcer son cou pendant la descente, il a constaté que le côté de sa face qui portait une barbe était bel et bien plus au chaud et plus confortable au froid. Il a toutefois déclaré que des recherches plus approfondies seraient nécessaires. Un autre grand pas pour la science. Aïe, c'est de toute beauté. Merci, Bruno. C'est des vraies valeurs à chaque fois ici à 70%. C'est comme, tu veux-tu parler de ta surprise? Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, on va recevoir quelqu'un qui me tient à cœur, qui a changé ma vie au cours des années, qui s'appelle Réalvé Benoît, un grand country de Rouyn-Noranda qui se faisait triter des pies, qui travaille encore pour la mine de Rouyn, qui fait quelques spectacles des fois. Bon, on le reçoit la semaine prochaine. On va aller écouter la chanson pour le fun, qui a gracieusement joué à Jeunesse d'aujourd'hui dans les années 70. Eh boy, hein, ça veut dire c'est dans son rentain. Ouais, n'importe quoi. Ça, Jeunesse d'aujourd'hui, c'était comme un peu Top of the Pops. Top of the Pops, mais... Qu'est-ce que tu as en lipsy? Version pantalon d'éléphant. Ça, je sais pas. Ouais. Bon, ben, on lance ça, Réalvé Benoît, qu'on va avoir... La semaine prochaine. En fait, on va l'enregistrer d'avance, puis on va présenter notre entrevue en bloc. Donc, ceux qui veulent rencontrer Réalvé Benoît, c'est dans les studios de Choc, midi vendredi. Oui. À la prochaine, les amis. Là, on va écouter sa toune, puis on vous revient pour d'autres aventures. L'autre jour, j'ai rencontré un pêcheur professionnel et je lui ai demandé si tout va la vie belle. Il répond sans hésiter, la pêche et puis le soleil, c'est bien beau pour s'amuser, seulement pour moi, c'est pas pareil. Quand on fait ça pour le fun, seulement quand c'est pour de vrai, c'est drôle. C'est vrai quand c'est pour le fun, c'est le fun. Seulement quand c'est pour de vrai, c'est drôle. Le lendemain vers les 9h, je regardais le hockey lorsque je vis l'un des joueurs qu'on allait interroger. À la fin, l'intervieweur lui demande ce que vous savez. Il dit, monsieur l'annonceur, ne vous faites pas d'idée. Quand on fait ça pour le fun, c'est le fun. Seulement quand c'est pour de vrai, c'est drôle. C'est vrai quand c'est pour le fun. C'est drôle. Sa fac, d'après ce que je peux voir, c'est pas bien ben compliqué. Tous les métiers de la terre finissent par nous ennuyer. On ne peut jamais rien faire qui puisse nous intéresser, à moins qu'on soit millionnaire et puis qu'on le fasse pour s'amuser. Parce que quand c'est pour le fun, c'est le fun. Seulement quand c'est pour de vrai, c'est drôle. C'est vrai quand c'est pour le fun, c'est le fun. Seulement quand c'est pour de vrai. Parce que quand c'est pour le fun, c'est le fun. Sonore inquiétante, ça. Les plus aguerris auront reconnu, en fait, le thème de la maison du cauchemar. Ouh! Oui, on va peut-être entendre la toune de fanfare tantôt, là, mais bon. Je vais laisser ça en background, c'est terminé doucement. Pendant que je vais parler de mes kits de démarrage, Parce que depuis le début de l'été, j'ai dû en graver, donner à peu près plus de 200. Ce sont des DVD contenant deux longs métrages de Marine, en français le fusilier marin, avec l'excellent John Cena, un lutteur de la WCW qui a aussi sa propre ligue de vêtements et qui chante du rap. Et puis c'est aussi Deadly Prey, quand la proie devient le prédateur. Il y a également le texte de l'encyclopédie du douteux, la liste de douteux, quelques émissions de radio 70% et deux dossiers remplis à ras-bord. Ces deux dossiers se nomment Clé de bras douteuse et Jab douteux. C'est ça. Les clés de bras sont des moyens-métrages, des épisodes de télésérie. Oui, ça arrive qu'il y en ait des très mauvais. Je pense ici à Rambo animé, Mortal Kombat, Defenders of the Earth, of the Realm, Electro Woman et Dino Girl et maintes autres. Le dernier dossier, Jab douteux, c'est un ramassis de tout plein de courts extraits dépeignant l'abrutisme évident du domaine douteux qui nous intéresse ici. Le tout se veut une porte d'entrée vers la réflexion extensive sur le douteux. Car en tout et pour tout, la chose se veut une véritable salvation culturelle et philosophique pour notre race aux besoins de victoires exacerbées. Pourquoi philosophique? Les médias ne s'appliquent présentement qu'à nous présenter des gens qui ont réussi, ou à nous expliquer pourquoi d'autres ne réussissent pas. On est, du moins en Amérique du Nord, dans une dynamique de victoire. Seul le gagnant nous intéresse. Il n'y a plus de place pour la médiocrité et de moins en moins d'intérêt pour ce qui reste à améliorer. Comme si chaque victoire n'était pas précédée de plusieurs défaites. Aimer le douteux, c'est devenir cynique face à cette dynamique médiatique. Aimer le douteux, c'est de trouver du beau dans la défaite. C'est de développer des aptitudes à reconnaître que l'on peut faire mieux et puis en rire. Aimer le douteux, c'est à mon sens la meilleure manière de contre-attaquer le système médiatique actuel qui nous pousse au surdépassement de soi et à la surconsommation. Moi, je préfère varier les plaisirs et quoi de mieux pour comprendre les bons films que de les mettre dans l'ombre des mauvais. Je ne suis pas celui qui a inventé le concept de variété. Je ne suis pas non plus le premier à imputer au système de médias modernes le dessèchement culturel que nous vivons aujourd'hui. Je suis cependant un des premiers à proposer une vraie solution et un vrai plan d'action. Le douteux et le cynisme médiatique que ce mouvement représente. Donc, si la chose vous intéresse, j'ai encore 200 de kits de démarrage pour votre ordinateur, avec les codecs inclus. Il y a qu'à me les demander au Rocket, tous les lundis soirs à 21h, ou à m'envoyer un mail au kertwit@commercial.hotmail.com. Et vive le cynisme culturel, seule voie vers le bon sens. C'était plein d'émotions. Oui, bravo. C'est beau. On hein? t'aime. Mais merci. Fait que c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on va écouter des séquences de l'excellent... Ouais, je pense que ça va être ça, parce que je viens d'accrocher le piton. Mais juste avant, j'ai une question pour toi. Ben, vas-y. As-tu écrit enfin ton poème? Non, parce que j'ai été pris par Mortal Kombat. Ah. J'ai tout le temps comme une défaite, j'écris 2-3 phrases, puis là, c'est pas beau, je suis plus dedans. Là. Et à la place, t'écoutes Mortal Kombat. T'es peut-être Kombat. Pas faite pour ça, Tommy. Ben, je suis sûr que je vais en faire un. Là. Je tiens un bon morceau, là, bien sûr, le poème, je m'aime. Allez, les extraits maintenant. J'ai le début, je peux peut-être lire le début, ça va peut-être m'aider à débloquer. Là. Ouais. Je m'aime chaque jour, chaque semaine. Je m'aime et Dieu sait que j'en vaux la peine. Je m'aime simplement avec encore trop peu de dévotion. Puis là, ben c'est ça, je suis encore bloqué là. Là après ça, ça devrait être la fin, ça. Ben, je parlais après de Dieu, parce que j'espère qu'il existe, parce qu'il est le seul qui peut, de ses hauteurs, comprendre à quel point je peux me porter du cœur, tu sais. Puis ces affaires-là, mais là, ça a comme bloqué, là. Non, mais ça, on va aller se plonger dans les extraits merveilleux de Sans pitié ni pardon. Cette fois-ci, on va rencontrer Billy Blanks, qui est infiltré chez les méchants. Je pense qu'on a deviné la thématique, là. Oui. Lui, il va falloir qu'il infiltre... C'est quoi déjà le nom des méchants? Warbeck. Les Warbeck. Warbeck, c'est le nom du méchant. C'est pas comme Cobra que c'est le nom des méchants. Non, du méchant. C'est Warbeck, puis en plus c'est Warbeck Industries et tout et tout. Illuminer les fonctions entre les relations émotionnelles et psychologiques, créer un environnement dans lequel les élèves peuvent modifier ces situations. Allons-y, dans le ventre de la bête. Là, Billy s'en va dans le système de combat. Hé, hey, débutant, c'est ma salle d'entraînement. Voilà, il s'en va dans les salles d'entraînement virtuelles. Hop. Le Billy rentre. Je suis là. Il est là. Vous le mettez sur la tête. C'est le casque. Je sais. Vous pourrez travailler dehors, ce que vous aurez appris ici. Ça me dit rien, ce truc. Il faut le mettre, sinon rien ne marche. C'est comme virtuel. Ben, c'est totalement virtuel. Alors, sans pitié ni pardon, dans le monde virtuel. Je vois rien du tout. Attendez qu'on lance le programme. Quel acteur. Fait que là, on va attendre tout le speech de base que les élèves... Les niveaux de conditionnement se répartissent ainsi. Niveau 1, pas de douleur. Eric? Cela signifie que vous ne sentirez aucun contact de votre adversaire virtuel ou de vos adversaires. C'est incapable. Ah, c'est ça que ça veut dire, pas au de douleur. 2, on ressent la moitié du contact réel. Au 3, c'est le contact intégral. Niveau 4, une fois et demi le contact. 5, deux fois le contact. Notre objectif est de vous amener à ce niveau aussi vite que possible. Votre adversaire a été conçu pour vous attaquer de façon précise au moment où il découvre une ouverture dans votre défense. Nous encourageons nos élèves à pratiquer l'offensive. Notre politique, il vaut mieux causer une blessure que d'en souffrir une. Vous sentirez la douleur de façon temporaire sans être toutefois vraiment blessé. N'oubliez pas, plus vous avancez, plus votre adversaire est puissant. Le niveau 4, c'est comme faire de l'ecstasy parce que tu sois deux fois plus les douleurs. Mais... fait que là, ouais, mais tu trouves ça le fun sur l'ecstasy. On s'en va à 31-25. Là, Billy Blank s'est fait un ennemi parce que quand t'es nouveau à quelque part... Tiens, tu te prends pour le dur des durs, pas vrai? Détecterais-je de l'hostilité? Ça dirait de détecter celui-là? C'est quoi qu'il faut qu'il détecte? Un coup de poing. Ah, OK. Ben, il monte son poing. Ouais. J'oubliais de me présenter. Tu peux peut-être battre cette saleté de machine, mais ça prouve pas que tu t'y connais pour de bon. Je suis bien d'accord, ma poule. Alors, on n'a qu'à le faire. Faire quoi? Et se battre. Pour quelle raison? Il doit avoir plein d'amis. Il est en train de manger, est-ce que... Ouais, c'est ça, ils sont dans la cafétéria, c'est le combat. On avait compris avec l'initié d'assiette. Je vais t'arracher la tête. Tu crois pas qu'on aura besoin d'un petit échauffement avant? Quoi? Ouais, tu sais, un peu de jogging et des trucs pour s'assouplir les jambes et... Ah, il est comme lui. Ah, il est taquin. Il a de la répartie, là, ouais, aussi. C'est ça, il est à John McClane. Et deux. Il est taquin. Et trois. Et ça va, ça suffit. Et... J'arrête, mec, j'arrête. Hein? C'est lui qui a cherché la bagarre. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Tatam. Et Billy en a profité pour subtiliser une des clés magnétiques, là, les cartes là, d'un des gardes. C'était son plan, ça? C'était son plan d'organiser, de provoquer la grosse brute pour que quelqu'un vienne l'arrêter de combattre. Ouais. C'est fort. Fait que là, on va retourner un petit peu plus loin. Ils sont en train d'infiltrer le système informatique. T'es plus dans le coup, mon vieux. Je vais te mettre à la page. J'adore les demande un mot de passe. Ouais, c'est fort. Ouais. Il vaut dans les combien, ce Jojo? Une centaine de millions, peut-être plus. Il en a les moyens. C'est quoi ça? Avec des cours d'arts martiaux, tu rigoles? T'as mis le doigt dessus. Reste à trouver de quoi il retourne. Ah, il me fatigue avec son mot de passe. Je vais essayer d'entrer par ailleurs. Il va rien savoir. Va falloir créer un nouveau mot de passe. Et voilà, tout simplement. Et Billy qui décide d'aller kicker des culs de son propre chef de l'autre côté. De toute beauté. Toi, Bruno. Ouais. Ouais, c'est une petite nouvelle ou ben une chronique style? Je sais pas. Ouais, je vais faire une nouvelle. OK. Okay. Ben vas-y, mon gars. Eh bien, jusqu'à maintenant, l'or servait à garder de l'argent, à faire des bijoux et des contacts électriques dans les ordinateurs. Mais maintenant, on peut aussi le manger. On le sert dans des mets luxueux pour que ça paraisse bien. Ça passe du sundae à la pizza en passant par la marmelade, l'alcool et un dessert à 25 000 piastres. Certaines personnes, on précise pas qui par contre, pensent même que ça aurait des propriétés médicinales. Là, pour les auditeurs qui voient pas, là, j'ai un air sceptique d'en face. Ça vaut cher, fait que c'est bon. Ben oui. Encore, Bruno. D'accord. En Géorgie, aux USA, un homme s'est dit que ce serait une bonne idée d'arnaquer une banque avec un faux billet. Mais la stupidité ne s'arrête pas là, non, non. Il est allé déposer un billet de 1 million de dollars. Il s'en est ensuite pris à l'employé de la banque lorsque celui-ci a refusé de prendre son argent. L'homme n'a pas été accusé pour sa stupidité, seulement de contrefaçon et d'avoir troublé la paix. On reste dans l'argent et le million de dollars. Timothy Elliott de Boston est probablement le gagnant de loterie le moins chanceux au monde. Il a gagné 1 million de dollars, mais ne pourra probablement jamais voir l'argent. L'homme est en probation après avoir purgé une peine d'emprisonnement pour vol de banque. Une des conditions de sa probation, pas de jeu, pas de loterie. Il se verra probablement attribuer une nouvelle peine d'emprisonnement pour violation de sa probation. Mais pourquoi il a pas donné le billet à sa mère? Il est niaiseux. Il avait pas d'amis? Probablement. Quand t'es en prison, t'as pas d'amis. Ben, t'es supposé t'en faire plein. Ils sont tous en dedans. Ouais, ouais. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer vendredi le 8 février? Compte-moi ça. Au Théâtre Saint-Denis, il y a un orchestre symphonique qui va reprendre plein de tunes de jeux vidéo, de Mario Bros, de Zelda, de Final Fantasy, de Halo 2. Hey, hein? Puis il va y avoir des cinématiques sur écran géant en arrière d'eux autres. Puis moi, je pense que ça vaut la peine d'y aller. En tout cas, moi, j'y vais. Pis c'est quoi? C'est au Centre Bell en plus? Là. Non, c'est au Théâtre Saint-Denis. Là, au Saint-Denis, OK, excuse-moi. C'est à côté du site. Saint-Denis, coin Saint-Denis, Maisonneuve, je pense. Bon, ben c'est tentant. Dans le quartier latin. Oui, je pense que ça vaut la peine, en plus que des séquences sur écran géant, puis qu'on va avoir plein de classiques de jeux vidéo faits en symphonique. Puis là, ça va être in your face, les détracteurs de tonnes de jeux vidéo qui pensent qu'ils connaissent tout. C'est ça. Ouais. Bon, ça précise. Yeah. Merci, Israël. Vendredi le 8 février, bien Vendredi sûr. Vendredi le 8 février, bien Penses-tu sûr. Penses-tu qu'il va y avoir de la neige à ce moment-là? Je pense qu'il va y avoir de la neige, ouais, sûrement. On pourrait aller demander à notre chroniqueur qui est au centre-ville s'il pense qu'il va y avoir de la neige le 8 février. Alors, Gilles, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de la neige le 8 février en ville? Je sais pas, sinon, mais ici, l'école bleue travaille très fort pour déneiger les trottoirs. Ici, on voit des passants qui les mangent de peine et misère. Bon, mais pendant que le niveau de l'émission descend, là, on va aller écouter les Archers of Loaf, puis on va écouter, c'est quoi, c'est Smokers in Love. C'est comme moderne, ça, hein? Oui. Ça va varier. Puis là, ben après ça, on va revenir à 70% pour d'autres aventures. Parler de la neige. Ouais. C'est important de parler de la neige. Si la neige, elle s'en ira pas en une couple de mois. Puis il y a de la neige dehors. Puis il neige. Ouais. Il neige quoi? La neige. Dehors. C'est ça. C'était un bonheur la semaine prochaine d'accueillir à 70% Simon Chénier. Semaine passée d'accueillir Simon Chénier qui m'a amené un disque rempli d'extraits tirés de films vaseux ou non, mais surtout vaseux. On va écouter maintenant notre ami Tao Léo, ou en tout cas un petit Vietnamien standard, qui meurt à la fin de, en fait, au milieu de Dernier Assaut. Et voilà, c'est son speech. Tu m'emmèneras en Amérique? Dis. Avant que je m'en aille, il faut d'abord que la guerre soit terminée. Oui, oui, mais tu m'emmèneras, hein, quand la guerre sera finie. Tu sais, Père François, eh ben, il m'avait parlé d'un endroit où il y a Donald Duck et Mickey qui ont leur maison. Ah oui, c'est oui. Disneyland. Ah, tu sais, le Père François, il m'a aussi raconté qu'il faut un mois pour tout voir. Oui, c'est exact. Le pop-corn et les friandises poussent sur les arbres. Oh. Et les enfants ont le droit de manger tout ce qu'ils veulent. C'est vrai? Oui, c'est un endroit où les rêves deviennent réalité, car les enfants peuvent tout demander au génie qui est dans la lampe merveilleuse. Oh. Il leur dit, je suis ton serviteur, petit maître. Commande et alors je t'obéirai. Oh, dis, l'Américain, je voudrais vrai que tu m'emmènes. Là-haut, retourne te coucher, ça suffit maintenant. Là-haut, il m'a promis qu'il m'emmènerait avec lui en Amérique dès que la guerre sera finie. Hein? La-la-l'air! La-la-l'air! Mais là, il est mort. C'est son speech de décès. Continue sans moi. Ils sont venus. Ils étaient très nombreux. Ça, c'est-tu la barbe à papa? Ouais. La barbe à papa, ouais. Lui, il avait une étoile rouge. Communiste. Il s'appelait Shakuda Aminka. Ah, s'il vous plaît. Dis-moi encore Disney Love. Comme du popcorn, tu sais. Il y en a plein partout sur les arbres. Oui. Plein. Incroyable. Il y a aussi des montagnes de barbe à papa. Ouais. Il y a aussi du chocolat. Et des bonbons. Souple. Il y a un fini pot pour et mourir. Puis, et puis il y a ce génie dans la lampe magique. Il y a le génie là. Il a juste à dire que tu veux quelque chose, il te le donne. D'accord. Tout ce qu'on désire. Je pense que c'est une de mes séquences préférées, celle-là. Ah, c'est fort. De tous les films que j'ai vus. Non, c'est blindé, celle-là. C'est. Comment que ça prête dans le film? Dernier assaut, le film, un grand classique. Là, il s'en va se vider le cœur dehors pendant qu'on va retourner aux vraies valeurs. Là, le film, en fait, aujourd'hui, j'ai comme amené deux bouts d'extraits. Là, on va terminer ici le dernier bloc d'extraits de Expect No Mercy. Vous aurez remarqué, il y a à peu près quoi, 7-8 minutes d'audio qui a été sorti de ce film-là. C'est parce que c'est Billy Blanks. Billy Blanks, qui est l'acteur principal, né à Erie, en Pennsylvanie, en 1955. C'est un dyslexique dont que son surnom, c'est Big Bill. Si j'ai parlé de Billy Blanks, c'est que Billy Blanks fut pendant 7 années champion mondial de karaté. Il a été 7 années numéro 1 aux États-Unis en tant que, tu sais, ça a été le capitaine de l'équipe de karaté. Il a gagné 36 médailles d'or dans différentes compétitions, à différents niveaux. Il a gagné, en fait, dans tout et pour tout, 300 victoires dans des combats fédérés. Ce qui est quand même considérable. Penses-tu qu'il pourrait, comme, mettons, botter le cul de Wesley Snipes? Aisément. Okay. Aisément. Ça doit être, en fait, une des personnes les plus dangereuses que j'ai vues sur écran parce qu'il est vrai. C'est vrai qu'il est fit. L'armée américaine, je sais qu'il l'a déjà entraîné, engagé pour un entraînement spécial et tout et tout. Billy Blanks, qui a joué dans Tango et Cash. Il faisait un des thugs dans la prison, là, qui tu sais, ils se font pogner, là, puis. Il était dans Last Boy Scout, dans le dernier des Boy Scouts, c'est un excellent film, mais il est au début du film, il se tire dans la tête. Ah, là. Ça me semble c'est Billy Cole. Il est dans Cœur de Lion, un film avec Van Damme, il se fait taper dedans. Mais ce qui a été le plus fabuleux, c'est en 1986 dans Low Blow avec Cameron Mitchell. Low Blow, qui est un film très mauvais, ne serait-ce, tu sais, on n'a pas besoin de le mentionner. Puis après l'avoir vu 4-5 fois, j'ai remarqué qu'il y avait une bête de africano-américain en background que je reconnaissais. C'était lui. Son premier film en 86 avec Cameron Mitchell. Après ça, il a fait des films avec Roddy de Rowdy Piper, avec Jalal Mehri. Puis ça, c'est tout avant de remplacer Subman en tant que mascotte du Subway, bien sûr, pour son Taibo. C'est là-dessus qu'il a été surtout découvert. Ensuite, dans ce film-là, il y a Jalal Mehri. Jalal Mehri, il est né au Brésil de parents libanais. Puis il a grandi au Canada. Lui, c'est lui qui a le surnom de Steven Seagal de Beyrouth. Sa compagnie de films, Film One, qui a fait en vendant le magasin de bijoux familial ainsi que les parts dans des blocs à Toronto. Et dans les années 90, ça fait mal, une des maisons de production les plus lucratives au Canada pour les années 90. Parce que lui, il fait des action flicks hautement standards qui coûtent pas grand-chose. La production est quand même bonne. Mais je veux dire, les idées sont pas, fait que ça fait que c'est moi je vous en parle. Sinon, c'est réalisé par Zale Dallen. Ça a été son dernier film, Expect No Mercy. Son dernier film, c'est pas vrai, parce que juste avant, après Expect No Mercy, c'est-à-dire en 2001, 5 ans plus tard, parce que Expect No Mercy, ça date de 96. En 2001, donc, Zale Dallen a réalisé le Bachelor's Guide to Seduction in the Kitchen. Ça devait être très intéressant. C'est quoi? C'est le guide du célibataire pour la séduction dans la cuisine. Wow. Et puis, bien sûr, il y a Wolf Larsen qui joue le dernier boss, Warbeck. Il est né à Berlin. C'est le fils du docteur Gunther Wichkowski, qui est un spécialiste des couleurs. Puis qui, en 1961, je tiens ça de Wikipédia, a standardisé la couleur du drapeau canadien. C'était un spécialiste de la couleur au Canada. Le père de Wolf Larsen, qui est aujourd'hui, en fait, depuis 2003, le directeur de l'American Academy of Acting, ce Wolf Larsen-là, qu'on va voir tantôt. Lui qui a joué... Chippendale? Ouais. Qui est un ancien barman de Chippendale et qui est aussi un ancien... un ancien photographe. Ben, tu sais, il produisait des calendriers avec du monde habillé léger. Ouais. Et puis, il paraissait dans ses propres calendriers. Il était Monsieur Février 92 de sa ligne de calendrier. De toute beauté. Tu vois que c'est blindé. Et c'est d'ailleurs à ce Wolf Larsen-là qu'on va laisser le spot central. Lui qui va faire un des speeches les plus vacuits qu'on peut imaginer. Souffrez avec moi. Je sais pas quoi dire d'autre. Là. Ben oui, c'est ça. Ça s'en vient. C'est que... Tu m'as trahi. Ouais, c'est ça. Tu m'as jeté en proie à mes ennemis sans hésiter une seconde. Que t'ai-je donc fait si terrible? Tu tues froidement. Tu tues froidement. C'est là qui va chialer que les gouvernements, ils tuent eux autres aussi. C'est je ça. Je tue ouais. des gens. Je tue des gens. Et alors? Le gouvernement de ce pays en tue chaque jour aussi. Ben trop. Si le gouvernement en a le droit. C'est le message social du film. Ben oui. Pourquoi l'aurais-je pas? Ben là. Parce que tu n'es pas le gouvernement. C'est ce que tu n'es pas. Écoutez ça. Presque autant de puissance que le gouvernement! Voilà. Presque! Mais presque, pourquoi c'est... Pourquoi serais-je si différent, hmm? Pas assez. Ta vision du monde est extrêmement conventionnelle, Vicky. J'ai pas l'impression que tu réfléchis jamais sur les notions du pouvoir, de l'autorité! Le droit de tuer. Qui accorde au gouvernement le droit de tuer? Qui? Est-ce qu'il va nous le dire? Dieu! Ah! Il y a des j'en options. Doute fort! Ah, c'est pas lui. Le peuple? Hey, le monologue à avoir. Et si le gouvernement la représente langue. Les vœux et les désirs de son peuple? N'est-ce donc pas le peuple qui tue? Des gens comme toi? Oh! Pourquoi les gens ne peuvent pas, ne serait-ce que saisir un concept élémentaire à ce point? Tu es malade. Malade. Malade. Malade. Ben, je suis un ancien Chip and Dale, je dois dire ce que je veux. Voilà le mot qui répond à tout. C'est fini pour nous ici, Damien. Dites à Spider d'installer les charges. Je connais un magnifique château en Espagne qui sera parfait pour notre nouvelle opération. Nos deux héros devraient arriver bientôt. Ils ne pouvaient pas aller à un chalet à Paris. Là. Ah oui, les... Eh bien, si les héros doivent arriver, il faut leur offrir une jeune femme en détresse à sauver. Et voilà. Nous devrions pouvoir arranger ça, non? Ben oui. Au moins, eux autres, ils le disent directement, tu sais. Je fais confiance à votre imagination fertile en ce domaine. Bon, ben, c'est excellent. C'est ça, de l'autodérision. Ben, pratiquement. En tout cas, ça met fin à la chose. On va aller écouter la toune de Neverending Story. Là, ah ce, oui, soir, ce soir, je vais mettre, bien sûr, le clip au visionnement aux roquettes, parce que le gars a vraiment des tendances elfiques assez prononcées. On écoute ça, on aime ça, les elfes. On adore les elfes. On écoute ça, puis on vous revient. Vous allez voir, j'ai une petite surprise pour la fin de l'émission. C'est ça va faire mal. La toune est correcte. Ça rappelle un bon film. C'est un bon film, Never Ending Story. C'est juste que le gars, il va jouer ce soir au visionnement douteux du fait de ce qu'il a l'air. Voilà, superficiel je suis. On vous laisse avec Limahl, Never Ending Story, puis on revient pour les vrais valeurs. Look at what you see. To us. un petit enfant, c'est un nain horrible. Attends, je n'ai rien fait, non, lâchez-moi. Non, je n'ai rien fait. Non. Attendez, je vais le tuer, je m'en charge. Ça suffit. Est-ce une faute grave d'être un nain? Si, car il représente la dernière et unique chance de survie du royaume de la Terre. Liu Kang, élevé par les moines de son village, le lieutenant Sonya Blade des forces spéciales américaines et Johnny Cage, célèbre star de Hollywood. Aucun d'entre eux ne sait pourquoi il a été choisi pour participer à cet étrange tournoi mystique. Aucun d'entre eux ne se rend compte que ce navire les emporte vers la plus grande aventure de leur vie. Aucun d'entre eux ne connaît la puissance des forces magiques qui entourent le tournoi du Mortal Kombat, ni ne sait pourquoi tant de guerriers qui les ont précédés ont été vaincus. Blade Azulu 1. Mortal Kombat, hein. En gros, là, j'ai fait un petit résumé parce que ça me trotte dans la tête depuis peut-être une trentaine d'années. Jadis, ce soir, on va écouter Mortal Kombat The Adventure Begins, un court-métrage animé qui dure une trentaine de minutes. Mais moyen-métrage, c'est comme publicitaire à la venue du premier film Mortal Kombat. Ils ont fait ça à rabais vraiment rapidement parce qu'ils s'en foutent un petit peu de ce qu'on pense. Et puis voilà, depuis, ça me trotte dans la tête. Quand on faisait des merdotons, il y a une bonne dizaine d'années, on commençait tout le temps avec ça en appetizer. Ma tradition d'appetizer vient de l'appetizer que j'ai amené ce soir. Et puis, d'ailleurs, c'est ça, j'ai pas le choix, faut que j'en parle. En résumé, Mortal Kombat. Ça faisait longtemps que je voulais... Shang Tsung est un sorcier démoniaque. Il a été mandaté par l'empereur d'Outre-Tombre à combattre dans le Mortal Kombat. Outre-Tombe est un plan de réalité voisin du royaume de la Terre. C'est que jadis, les anciens du royaume de la Terre trouvaient plus juste et sensé de régler les différends entre le royaume de la Terre et celui d'Outre-Tombe grâce à cette joute. Il y fut établi que les champions des deux réalités se battraient une fois tous les 10 ans pour l'honneur des leurs. Il y fut aussi décidé que si un champion venait à remporter 10 Mortal Kombat d'affilée, il gagnerait le contrôle du plan voisin. C'est dans cet esprit armé de perfidie et de malice que Shang Tsung, au pouvoir magique considérable et machiavélique, décida de présenter Goro comme champion d'Outre-Tombe. Depuis, aidé de la magie de Shang Tsung, le champion d'Outre-Tombe parvint à gagner 9 Mortal Kombat d'affilée. La joute qui faisait autrefois la fierté des anciens était devenue un tournoi sans honneur, pollué de magie démoniaque. Parce que Shang Tsung, il fait de la magie. Ouais. La Terre doit donc présenter ses meilleurs combattants pour parvenir à stopper les noirs desseins du perfide Shang Tsung, pratiquant de sombres arts occultes. Vous êtes de ces champions. Vous avez été choisis parce que vous êtes les meilleurs combattants du royaume de la Terre. Comme Goro, l'envoyé du vilain Shang Tsung, champion du royaume d'Outre-Tombe, qui n'est qu'à une seule victoire du Mortal Kombat près de devenir souverain de notre réalité. Car, comme l'ont décidé autrefois les anciens de jadis, si un champion parvint à gagner 10 Mortal Kombat d'affilée, il gagnera le contrôle du plan de réalité voisin. C'est pourquoi cette mission en est une de la plus grande importance. Vous devez gagner, car si vous perdez, le royaume de la Terre deviendra la propriété de Shang Tsung, le sorcier démoniaque envoyé de l'empereur d'Outre-Tombe. Votre combat est donc celui de la dernière chance pour notre royaume de la Terre, car Goro, vainqueur des 9 derniers Mortal Kombat, est à une seule victoire près de devenir maître du monde, ce qui signifierait la fin du royaume de la Terre, car Goro, champion à ce jour, est sous l'égide d'un homme capable de grands méfaits grâce à l'étendue de ces noires forces occultes. Serez-vous capable de surpasser vos ancêtres qui perdirent les 9 derniers Mortal Kombat? Bien qu'ils aient perdu, beaucoup grâce aux tricheries magiques de Shang Tsung, le résultat est quand même que si nous perdons le prochain face à Goro, ce sera la fin du royaume de la Terre et le début du règne de Shang Tsung, un sorcier magicien démoniaque au pouvoir considérable. Sachez que vous êtes notre dernier espoir. Si nous perdons ce 10e Mortal Kombat de suite et que... Si vous perdons ce 10e Mortal Kombat de suite, tel que l'ont décidé les anciens, ce sera la fin du royaume de la Terre. Que votre puissance soit supérieure à celle de vos ennemis, et surtout à celle de Shang Tsung, le sorcier mauvais qui contrôle Goro, champion des 9 derniers Mortal Kombat. Car vous êtes le dernier espoir du royaume de la Terre. La Terre qui a perdu 9 des 10 derniers Mortal Kombat de mes deux. Ah. Bravo. Ça a vraiment fait du bien. J'espère que ça va... humblement. J'espère que ça va me permettre de passer au travers de cette espèce de semi-maladie-là. Tommy, j'ai inventé un poème. Ben, vas-y, fais un poème. Je t'aime. Et Dieu sait que tu en vaux la peine. Ah ben, merci. Je t'aime humblement. Ça ressemble à quelque chose. Hein. Ouais. Je vais peut-être te me baser là-dessus pour faire la fin. Okay. Sinon, ça pourrait faire des tonnes de paroles pour bonne journée, si je m'aime. Okay. Hey, mais sinon, pour la fin de l'émission, t'as pas trouvé la toune de bonne journée, il neige sur Noël? Non, et j'ai pas trouvé la toune, il neige sur Montréal de bonne journée, parce qu'ici, notre label l'a pas envoyé à Choc FM, on dirait. Ah, pourtant, c'est une place où la jeunesse branchée écoute. Fait que je vais l'amener la semaine prochaine. Voilà. Sinon, ben moi, background pour la fin de l'émission, je vais laisser un speech vacuit de Mortal Kombat encore tiré du dessin animé. Y a-tu une nouvelle? Peut-être Bruno a des nouvelles, parce qu'il nous reste encore un petit blabla, là. Ben, je vais faire peut-être deux nouvelles, mettons. Il y a quelques années, une série de feux inexpliqués qui se manifestaient dans les électroménagers dans une petite ville de Sicile a confondu les habitants, les scientifiques et l'Église. Mais même après avoir évacué la ville et coupé l'électricité, les feux continuaient. Maintenant, après des recherches, la conclusion la plus probable, selon un rapport préliminaire, est-ce que quelqu'un... Les extraterrestres. Mais là, il n'y a pas, mettons, une fuite de gaz souterrain. Ils ont cherché un peu partout. On suppose aussi peut-être des tests de nouvelles technologies par une puissance militaire inconnue. Merci pour ces belles nouvelles. J'aime bien celle-là aussi, je vais vous la dire. Non content de leur ancien slogan « Best small country in the world », meilleur petit pays du monde, le gouvernement écossais a dépensé 125 000 livres afin d'en trouver un nouveau. Pour 125 000 livres, ça doit être bon, me direz-vous? Moi, non. Détrompez-vous. Je suis pas nationaliste. Lorsque vous arriverez maintenant à l'aéroport de Glasgow, vous pourrez dorénavant contempler leur nouveau logo et leur nouveau slogan. Welcome to Scotland! 125 000 livres, c'est à peu près 250 000 piastres. À peu près. Voilà, merci campagne de pub. Hey, c'est ça, je viens de trouver que Batman se marie. On a ici l'introduction, je vais la mettre pour finir l'émission de 70% d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup les amis. Oui, puis après, ben, ça va être Mortal Kombat des extraits. Sinon, on va interviewer Réal V. Benoît pour votre bonheur intime, un homme de Rouyn-Noranda, la ville que je préfère au monde. On dit bonjour à tous les amis, on s'en va aux roquettes pour écouter... La marde. Sans pitié ni pardon. Yes, ouais, c'est pas marde. Faux. Ouais, c'est pas faux. Bon, ben voilà, on vous laisse avec Batman se marie. Ça va être vraiment une preview parce que c'est sûr que je vais l'amener à un moment donné l'intégrer. Puis quand vous allez venir à la roquette, faites attention parce qu'il y a de la neige dehors. Fait qu'il faudrait mettre des bottes parce qu'il neige. Sur Montréal, c'est ça l'affaire blanche. Ouais. Voilà. Bien que sa vie de chasseur de criminels soit plutôt sans romance, Batman ne s'est jamais permis de penser au mariage. Car il sait bien, hélas, que le mariage lui apportera beaucoup trop de problèmes. Mais soudain, la chose arrive, et Batman se marie. Oui, oui, Batman épouse la charmante Callie Kane, autre chasseur de criminels déguisé, autrement dit, Batwoman. Comment la chose est-elle arrivée? Tout ça vous est révélé au cours de la surprenante nouvelle aventure de Batman. Batman épouse Batwoman. Seigneur Raid. Encore un de tes fameux contes de fées. C'est le dieu du tonnerre, le protecteur du royaume de la Terre. Ce que tu racontes n'a aucun sens. Ça m'est bien égal si ça n'a aucun sens. Ça ne devrait pas être égal, Johnny Cage. Silence! Shang Tsung. Seigneur Raiden, quelle heureuse surprise. À quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Tu as envoyé tes guerriers combattre les miens. Je n'ai envoyé personne, ils avaient peut-être décidé de faire quelques exercices d'échauffement. En parlant d'échauffement, ça ferait du bien à cet iceberg. C'était une embuscade. C'est strictement interdit dans les règles du Mortal Kombat. Veille à ce que ça ne se reproduise jamais plus. Bien sûr. Je vous présente mes plus humbles excuses. Cela n'aurait jamais dû se produire. Vous pouvez le dire. Qui est ce type ? Shang Tsung est un grand sorcier. Son pouvoir est à peine inférieur à celui de l'empereur d'Outre-Monde. Dans les légendes, Outre-Monde est un royaume qui existe dans un univers parallèle séparé de la Terre par une espèce de portail mystique. Seul le tournoi du Mortal Kombat peut réussir à l'ouvrir. Attends un peu. J'ai été invité à ce tournoi secret pour prouver que je suis le plus fort. Et maintenant, tu me dis que nous allons combattre les habitants d'un univers parallèle. Ça ne figure pas dans mon contrat, tu sais. Tu n'as pas le choix. Il y a 1000 ans, Shang Tsung est devenu maître du tournoi en lançant un défi aux meilleurs guerriers de la Terre. Ils appartenaient au temple de l'Ordre de la Lumière. Shang l'emporta facilement sur les élèves du maître du temple. Le dernier combat l'opposa au maître lui-même, un homme d'une grande habileté et d'une grande sagesse. Mais au fil des siècles, Shang Tsung avait mis au point de sinistres talents. Il contra facilement les assauts du maître du temple. On aurait dit qu'il pouvait lire dans les pensées de son adversaire pour deviner son prochain coup. Il devint bientôt évident que Shang possédait un pouvoir magique qui lui permettait de sonder l'âme humaine et d'y lire toutes ses craintes et ses pensées les plus secrètes. Quand le maître du temple se rendit compte de ce qui lui arrivait, il fit le vide dans sa pensée. La magie de Shang Tsung était plus forte que la sagesse et l'habileté du maître. Le moine n'avait pas compris que le grand tournoi de Mortal Kombat venait de changer à tout jamais. À partir de ce jour, le Mortal Kombat allait devenir une lutte sans merci pour la domination du royaume de la Terre. Une bataille où la duplicité et la magie supplanteraient l'honneur et l'expérience. Un combat perfide, acharné et mortel. Cette triste journée devait aussi révéler le sinistre secret des terribles pouvoirs de Shang Tsung. Il avait le pouvoir de voler l'âme de ses ennemis vaincus. Vous êtes avec Captain Kirk, Gene the Gene, Papa Sucre du groupe Gatineau, c'est ton visage. Et vous écoutez Choc FM. Besoin d'un changement de look? Visitez LOCAM, vos opticiennes aux portes de l'université. Choisissez vos montures parmi une variété de marques exclusives, tout en profitant d'un accueil chaleureux et d'un service personnalisé. Étudiants, profitez de votre assurance vision avec l'Alliance pour la santé étudiante au Québec. Pratique et accessible, LOCAM est situé sur le campus de l'UQAM, à l'angle des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. Passez rencontrer nos spécialistes du lundi au mercredi de 9h30 à 18h, les jeudis jusqu'à 19h ou les samedis de 11h à 16h. Pour de plus amples informations, consultez le www.ocam.com.